Jésus se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Dans ces quelques mots, nous avons au fond tout le mystère de l'Église qui est résumé, ce mystère dont nous vivons depuis 2000 ans. Car qu'est-ce que l'Église ? C'est quand deux ou trois sont réunis en son nom, la présence de Jésus ressuscité, a fortiori une grande assemblée avec la présence réelle et tous les signes sacramentels, la proclamation de la parole, l'Eucharistie. Oui, il est au milieu de nous, agissant mystérieusement par son esprit. Il est au milieu de nous et il nous donne la paix. Ce n'est pas juste peace and love ou zen, c'est la paix qu'il nous a acquise au prix de son sang. C'est le pont qu'il a reconstruit entre Dieu et l'humanité. C'est la réconciliation qui est achevée et qui nous est donnée gratuitement, moyennant la foi. Tout cela a été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en vous. Donc, chaque dimanche, nous venons puiser à cette présence du Christ ressuscité au milieu de nous qui nous redit l'amour du Père, qui nous redonne cet esprit de fils adoptif, qui nous renouvelle dans la miséricorde. Car certainement, nous avons reçu le pardon de nos péchés au baptême, mais nous avons sans cesse besoin de renouveler cette grâce. Et ce dimanche de la miséricorde est là pour nous le rappeler. Et évidemment, ce dimanche prend un relief particulier dans l'année de la miséricorde. Ce soir, je vais vous rappeler quelques grandes lignes de la bulle d'indiction que François Ier a promulguée. Une bulle d'indiction, c'est un document pastoral qui donne le contenu que le pape souhaite nous faire vivre pendant cette année de jubilé. Un jubilé, c'est une fête religieuse dans la tradition juive qui se répète tous les 50 ans. Dans l'Église, c'est parfois tous les 25 ans. Un temps de rémission, un temps de repos, un temps de réconciliation, un temps où on remet les dettes, on libère les esclaves, on laisse certaines terres en jachère. Ce jubilé, donc, est un jubilé de la miséricorde, nous dit le pape, et le thème, c'est « Miséricordieux comme le Père est miséricordieux ». Et il développe dans cette lettre une théologie de la miséricorde. Qu'est-ce que cela, au fond, que la miséricorde ? C'est un mot qui vient du latin, « miséricorde », c'est la misère et le cœur. C'est Dieu qui se laisse bouleverser, qui est pris aux entrailles par la misère humaine et qui veut nous en sauver par sa miséricorde, par son pardon, par ses entrailles comme féminines de Dieu, si l'on peut dire, qui nous font renaître dans ce pardon. Et cette miséricorde, elle traverse, nous dit le pape, toute la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais elle culmine évidemment en Jésus-Christ. Et cette année, nous lisons en particulier l'évangile de Saint-Luc, qui est l'évangile de la miséricorde par excellence. C'est à lui que nous devons cette splendide parabole de l'enfant prodigue, que vous connaissez bien, ou celle du bon Samaritain, qui se laisse bouleverser par la détresse d'un homme au bord de la route. C'est lui qui nous parle du bon larron, qui au dernier instant de sa vie, se voit accorder le paradis par un simple acte de foi en Jésus qui porte le péché du monde. Et c'est lui aussi qui nous parle de cette parabole, qui nous raconte cette parabole du débiteur impitoyable, celui qui reçoit la remise d'une dette énorme et quand il rencontre son compagnon qui lui doit quelques sous, l'égorge jusqu'à ce qu'il lui ait remis. Cette parabole nous enseigne que si nous avons été favorisés par la miséricorde, évidemment, nous devons nous aussi la reproduire dans notre vie. Nous avons reçu une pleine mesure de cette miséricorde. Nos péchés sont pardonnés 70 fois, 7 fois, et c'est de cette mesure dont nous devons vivre dans nos relations humaines. Évidemment, la mesure divine, on la On ne la vit pas du jour au lendemain, mais c'est en fréquentant le sacrement du pardon que l'Église dispense généreusement. Le pape nous dit « La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance. » Saint Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'était Dieu qui se réconciliait le monde dans son Fils et qui a mis sur nos lèvres, c'est-à-dire la lèvre des apôtres, le message de la réconciliation. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Dieu a confié à l'Église le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire cette diffusion ou ce partage du trésor de grâce qui se trouve dans le Christ mort et ressuscité, cette dispensation, voilà, de ce trésor de grâce qui nous est donné jusqu'à la fin des temps. Nous sommes réconciliés encore une fois gratuitement, moyennant la foi. La confession, frères et sœurs, n'est pas juste un reset, quelque chose qui remet à zéro nos comptes. Nous recevons, en plus du pardon, une nouvelle effusion de l'Esprit. Je l'expliquais aux jeunes dans une soirée de prière, c'est comme si vous alliez dans une banque qui non seulement vous remettrait votre dette gratuitement, je ne connais pas beaucoup de banques qui fassent ça, mais vous êtes tout content et vous repartez vers la sortie et on vous dit « Non, non, revenez monsieur, on vous donne un chèque pour vous relancer, pour vous refaire. » Voilà ce que fait l'économie divine. Nos péchés sont remis et en plus, dans ce sacrement, nous recevons une nouvelle effusion de l'Esprit. Nous sommes renouvelés dans notre vie filiale pour que nous soyons miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux. Mais cela suppose aussi que nous ayons un sens du péché. Qu'est-ce que le péché? Eh bien, c'est de se priver du vrai bien. Par exemple, l'athéisme est un péché parce que l'homme se prive du plus grand bien qui est son Créateur, qui l'aime et qu'il a créé avec sagesse et par amour. Quand j'exploite quelqu'un, je pense avoir un vrai bien, mais c'est un faux bien dont je me prive, celle de l'amitié d'un frère, et je prive aussi un autre du bien de la justice. Mais ça va plus loin. Le péché a vraiment créé une rupture abyssale avec Dieu, entre l'humanité et Dieu. Rien ne peut combler cet abîme. C'est le Christ qui est le pont jeté par sa croix entre l'humanité et Dieu qui peut seul combler cet abîme. Mais cela nous montre la gravité du péché. Donc, Dieu a voulu nous faire justice par la miséricorde. La miséricorde suppose la justice, c'est-à-dire que le mal est mal. Rappelez-vous la pécheresse, la femme adultère, pardon. Quand on la présente à Jésus, après que tout le monde se soit dispersé, Jésus dit « Est-ce que quelqu'un t'a condamné ? Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » C'est-à-dire qu'il lui redonne la loi qui dit que l'adultère, c'est péché. Mais tu n'es pas condamné. Donc la justice est toujours là, la justice qui rend à chacun ce qui lui est dû, mais elle trouve sa plénitude dans le pardon, parce que Dieu sait, lui qui est juste, que nous sommes faibles, et que pour vivre la justice de la loi, nous avons besoin d'une loi nouvelle, c'est la loi de l'Esprit qui vient dans nos cœurs graver cette loi d'amour pour que nous en vivions. Alors, pour ce jubilé de la miséricorde, le pape nous donne des moyens concrets. Il nous propose de lire et de méditer la parole de Dieu, qui nous redit sans cesse ce message de miséricorde. Il nous invite aussi à aller passer la porte sainte qui est présente dans tous les diocèses de l'Église catholique. Et nous avons à Québec la chance d'avoir cette splendide porte qui a été ouverte, la seule porte sainte en dehors de l'Europe. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, passer la porte, c'est se rappeler que Jésus a dit « Je suis la porte, celui qui passe par moi sera sauvé ». Quand nous franchissons une porte, nous laissons un monde derrière et nous entrons dans un autre. Nous nous rappelons que par le baptême, le vieil homme a été enseveli avec le Christ et qu'un homme nouveau est né. Cette porte, c'est le Christ parce que c'est par lui que Dieu a voulu que nous passions pour le rejoindre, pour recevoir son amour. Jésus, dans son incarnation, cette porte que beaucoup de Juifs ont refusé de passer parce qu'ils étaient scandalisés par l'idée que Dieu se soit fait homme, qu'il ait pris cette humilité, cette porte étroite. Mais Jésus est aussi la porte parce qu'il est le passage. Lui-même a vécu ce passage, il est passé de ce monde au Père, il est passé par la mort pour rejoindre le rivage de la résurrection. Et c'est dans sa mort et sa résurrection que nous passons de ce monde au Père, que nous sommes déjà ressuscités, comme dit Paul, assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est une grâce merveilleuse de pouvoir aller à la cathédrale pour revivre cette grâce de notre baptême en passant la porte sainte et peut-être aussi en recevant le sacrement du pardon. Et le pape nous donne d'autres moyens aussi, ce qu'il appelle dans le langage classique de l'Église les œuvres de miséricorde. Il y a les œuvres de miséricorde corporelles et les œuvres de miséricorde spirituelles. Corporelles, c'est donner à manger aux affamés, par exemple, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés. En parlant de visiter les prisonniers, hier soir nous avons donc la soirée resplendie et Pierre Racicot est venu nous donner son témoignage. C'était un des criminels les plus recherchés de la ville de Montréal dans les années 80. Et lors, je crois, de son troisième séjour en prison où il avait essayé de se suicider, eh bien, un des chrétiens qui était dans la prison lui a dit « Viens, il y a un groupe de chrétiens, il faut que tu saches que le Christ est mort pour tes péchés. » Et quand il a entendu cette parole, il a été transpercé et il est resté de marbre devant son ami parce qu'il avait honte de pleurer devant lui. Et quand son ami est parti, rentré dans sa cellule, et il a comme pleuré tous ses péchés, il a commencé une vie nouvelle. Eh bien, c'est grâce à cette personne qui a eu la simplicité de lui dire que le Christ est mort pour tes péchés, pour te réconcilier avec le Père. Il y a une autre, je termine là-dessus, une autre œuvre de miséricorde que je vous propose de faire, c'est de signer la pétition que je vous ai déjà présentée il y a quelques semaines, mais on a fait une petite erreur, on l'a adressée à notre député et il fallait l'adresser à la Chambre des communes, donc nous allons la refaire. Mais c'est une œuvre de miséricorde parce que nous voulons protester contre le projet de loi sur la soi-disant aide médicale à mourir. Ce projet que le gouvernement se propose de transformer en loi donne ses recommandations suivantes. Que le suicide assisté soit accessible aux personnes atteintes d'une maladie psychiatrique. Que les souffrances psychologiques soient au nombre des critères ouvrant droit au suicide assisté. Que d'ici environ 3 ans, le suicide assisté soit accessible aux adolescents et peut-être également aux enfants qui pourraient être considérés comme des personnes mineures matures. J'ai envie de dire à M. Trudeau, est-ce que vous aimeriez ça quand vous appelle au téléphone pour vous dire que votre fils s'est suicidé, enfin on l'a aidé à se suicider, sans vous demander la permission et que c'est remboursé par le gouvernement? Que tous les professionnels de la santé soient tenus à tout le moins d'aiguiller correctement les patients qui demandent le suicide assisté. Ça veut dire qu'on commence à empiéter sur la conscience de certains médecins qui ne voudraient pas être une cause instrumentale d'un suicide assisté. Ils sont obligés de les orienter vers quelqu'un d'autre. Que tous les établissements de santé subventionnés par l'État au Canada offrent le suicide assisté. Lisons entre les lignes que ceux qui refuseront de le faire vont se faire couper les subventions. C'est ça qui va arriver aussi au Québec avec l'euthanasie. Donc les chrétiens doivent se lever contre cette culture de mort. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais enfin, je crois que les catholiques au Québec, il faut qu'on apprenne une certaine culture du militantisme ou de l'engagement. Nous devons apprendre donc à élever la voix. pourrez trouver ces pétitions au fond de l'église. Pour ceux qui habitent le comté de Louis-Hébert, vous mettez votre nom et votre adresse. Pour ceux qui sont en dehors du comté, vous faites la même chose pour que le député puisse les distinguer. Et il est obligé, en tant que représentant de notre circonscription, de les présenter au Parlement fédéral. Donc, ce sera présenté, vos signatures. Merci, que Dieu vous bénisse.